Exercice 4, page 64. A. E. Où. B. De. D'où. C. Feu. Fou. D. Veux. Vous. E. Ne. Nous. F. Que.